Chapitre 15e, le bal de Tandit. Il faut abandonner un instant le colonel Munro, ainsi que ses compagnons, l'ingénieur Banks, le capitaine Hod, le français Mauclair, et interrompre pendant quelques pages le récit de ce voyage, dont la première partie, comprenant l'itinéraire de Calcutta à la frontière indo-chinoise, se termine à la base des montagnes du Tibet. On se rappelle l'incident qui avait marqué le passage de Steamhouse à Allahabad. Un numéro du journal de la ville, daté du 25 mai, apprenait au colonel Munro la mort de Nana Sahib. Cette nouvelle, souvent répandue, toujours démentie, était-elle vraie cette fois? Sir Edward Munro, après des détails si précis, pouvait-il douter encore et ne devait-il pas renoncer enfin à se faire justice du révolté de 1857? On en jugera. Voici ce qui s'était passé depuis cette nuit du 7 au 8 mars, pendant laquelle Nana Sahib, accompagné de Balaurao, son frère, escorté de ses plus fidèles compagnons d'armes et suivi de l'hindou Kalagani, avait quitté les caves d'Anjuta. 60 heures plus tard, le Nabab atteignait les étroits défilés des monts Sopura, après avoir traversé la Tapi qui va se jeter à la côte ouest de la péninsule près de Surat. Il se trouvait alors à 100 milles d'Anjuta, dans une partie peu fréquentée de la province, ce qui pour le moment lui assurait quelque sécurité. L'endroit était bien choisi. Les monts Sopura, de médiocre hauteur, commandent au sud le bassin de la Nerbuda, dont la limite septentrionale est couronnée par les monts Vindhya. Ces deux chaînes, courant presque parallèlement l'une à l'autre, enchevêtrent leurs ramifications et ménagent, dans ce pays accidenté, des retraites difficiles à découvrir. Mais si les Vindhya, à la hauteur du 23e degré de latitude, coupent l'Inde presque entièrement de l'est à l'ouest, en formant un des grands côtés du triangle central de la péninsule, il n'en est pas ainsi des Sopura, qui ne dépassent pas le 75e degré de longitude et viennent s'y souder au mont Kaligong. Là, Nana Sahib se trouvait à l'entrée du pays des Gundes, redoutable tribu de ces peuplades de vieille race, imparfaitement soumises, qu'il voulait pousser à la révolte. Un territoire de 200 000 carrés, une population de plus de 3 millions d'habitants, tel est ce pays du Gondwana, dont M. Rousselet considère les habitants comme autochtones et dans lequel les ferments de rébellion sont toujours prêts à se lever. C'est là une importante portion de l'Hindoustan, et à vrai dire, elle n'est que nominalement sous la domination anglaise. Le railway de Bombay à Allahabad traverse bien cette contrée du sud-ouest au nord-est. Il jette même un embranchement jusqu'au centre de la province de Nagpur, mais les tribus sont restées sauvages, réfractaires à toute idée de civilisation, impatients du joug européen, en somme, très difficile à réduire dans leurs montagnes, et Nana Sahib le savait bien. C'était donc là qu'il avait voulu tout d'abord chercher asile, afin d'échapper aux recherches de la police anglaise en attendant l'heure de provoquer le mouvement insurrectionnel. Si le Nabab réussissait dans son entreprise, si les Gounes se levaient à sa voix et marchaient à sa suite, la révolte pourrait rapidement prendre une extension considérable. En effet, au nord du Gondwana, c'est le Bundelkund qui comprend toute la région montagneuse située entre le plateau supérieur des Vindhya et l'important cours d'eau de la Juma. Dans ce pays, couvert ou plutôt hérissé des plus belles forêts vierges de l'Hindoustan, vit un peuple de Bundela, fourbe et cruel, chez lequel tous les criminels, politiques ou autres, cherchent volontiers et trouvent facilement refuge. Là se masse une population de 2,5 millions d'habitants sur une surface de 28 000 km². Là, les provinces sont restées barbares. Là, vivent encore de ces vieux partisans qui luttèrent contre les envahisseurs sous Tipu Sahib. Là sont nés les célèbres étrangleurs Thug, si longtemps l'épouvante de l'Inde, fanatiques assassins qui, sans jamais verser de sang, ont fait d'innombrables victimes. Là, les bandes de Pindaris sont exercées presque impunément les plus odieux massacres. Là pullulent encore ces terribles dacoits, secte d'empoisonneurs qui marche sur les traces des thugs. Là, enfin, s'était réfugié Nana Sahib lui-même, après avoir échappé aux troupes royales, maîtresses de Jhansi. Là, il avait dépisté toutes les recherches, avant d'aller demander un asile plus sûr aux inaccessibles retraites de la frontière indo-chinoise. À l'est du Gondwana, c'est le Kondistan, au pays des Kundes. Ainsi se nomment ces farouches spectateurs de Tadopenor, le dieu de la terre, et de Mount Xoro, lieu de rouge des combats, ces sanglants adeptes des Mérias, ou sacrifice humain, que les Anglais ont tant de peine à détruire, ces sauvages dignes d'être comparés aux naturels des îles les plus barbares de la Polynésie, contre lesquels, de 1840 à 1854, le major général John Campbell, les capitaines Macpherson, McVicar et Fry, entreprirent de pénibles et longues expéditions, fanatiques prêts à tout oser, lorsque, sous quelque prétexte religieux, une puissante main les pousserait en avant. À l'ouest du Gondwana, c'est un pays de 500 000 à 2 millions d'âmes, occupé par les Bhils, puissant autrefois dans le Malwa et dans le Raipuchna, maintenant divisé en clans, répandu dans toute la région des Vindhya, presque toujours ivre de cette eau de vie que leur fournit l'arbre de Mohua, mais brave, audacieux, robuste, agile, l'oreille toujours ouverte aux kisseries, qui est leur cri de guerre et de pillage. On le voit, Nana Sahib avait bien choisi. Dans cette région centrale de la péninsule, au lieu d'une simple insurrection militaire, il espérait, cette fois, provoquer un mouvement national auquel prendraient part les hindous de toute caste. Mais avant de rien entreprendre, il convenait de se fixer dans le pays afin d'agir efficacement sur les populations dans la mesure que les circonstances permettaient. Donc, nécessité de trouver un asile sûr, momentanément du moins, quitte à l'abandonner s'il devenait suspect. Tel fut le premier soin de Nana Sahib. Les hindous qui l'avaient suivi depuis Adjunta pouvaient aller et venir librement dans toute la présidence. Balaurao, qui ne visait pas la notice du gouverneur, aurait pu lui aussi jouir de la même immunité n'eût été sa ressemblance avec son frère. Depuis sa fuite jusqu'aux frontières du Népal, l'attention n'avait plus été attirée sur sa personne et l'on avait tout lieu de le croire mort. Mais, pris pour Nana Sahib, il eût été arrêté, ce qu'il fallait éviter à tout prix. Ainsi donc, pour ces deux frères unis dans la même pensée, marchant au même but, un unique asile était nécessaire. Quant à le trouver, cela ne devait être ni long ni difficile dans ces défilés des monceaux de Pourra. Et en effet, cet asile fut tout d'abord indiqué par un des hindous de la troupe, un Gund, qui connaissait la vallée jusque dans ses plus profondes retraites. Sur la rive droite d'un petit affluent de la Nerbuda se trouvait un pal abandonné nommé le pal de Tandit. Le pal, c'est moins qu'un village, à peine un hameau, une réunion de huttes, souvent même une habitation isolée. La nomade famille qui l'occupe est venue s'y fixer temporairement. Après avoir brûlé quelques arbres, dont les cendres vivifient le sol pour une courte saison, le Gund et les siens ont construit leur demeure. Mais comme le pays n'est rien moins que sûr, la maison a pris l'aspect d'un fortin. Un rang de palissades l'entoure, elle peut se défendre contre une surprise, cachée d'ailleurs dans quelque épais massif, enfoui pour ainsi dire sous un berceau de cactus et de broussailles, il n'est pas aisé de la découvrir. Le plus ordinairement, le pal couronne quelques monticules sur le revers d'une vallée étroite, entre deux contreforts escarpés, au milieu d'impénétrables futaies. Il ne semble pas que des créatures humaines aient pu y chercher refuge. De route pour y conduire, point. De sentier qui donne accès, on ne voit pas trace. Pour l'atteindre, il faut quelquefois remonter le lit raviné d'un torrent, dont l'eau efface toute empreinte. Qui le franchit ne laisse aucun vestige après lui. Dans la saison chaude, on s'y mouille jusqu'à la cheville, dans la saison froide, jusqu'aux genoux, et rien n'indique qu'un être vivant y a passé. En outre, une avalanche de roches, que la main d'un enfant suffirait à précipiter, écraserait quiconque tenterait d'arriver au pal contre la volonté de ses habitants. Cependant, si isolés qu'ils soient dans leurs aires inaccessibles, les Gounds peuvent rapidement communiquer de pal à pal. Du haut de ces croupes inégales des Sotpura, les signaux se propagent en quelques minutes sur 20 lieues de pays. C'est un feu allumé à la cime d'une roche aiguë, c'est un arbre changé en torche gigantesque, c'est une simple fumée qui empanache le sommet d'un contrefort. On sait ce que cela signifie. L'ennemi, c'est-à-dire un détachement de soldats de l'armée royale, une escouade d'agents de la police anglaise, a pénétré dans la vallée, remonte le cours de la Nerbuda, fouille les gorges de la chaîne en quête de quelques malfaiteurs auxquels ce pays offre volontiers refuge. Le cri de guerre, si familier à l'oreille des montagnards, devient cri d'alarme. Un étranger le confondrait avec le ululement des oiseaux de nuit ou le sifflement des reptiles. Le Gund, lui, ne s'y trompe pas. Il faut veiller, on veille. Il faut fuir, on fuit. Les pâles suspects sont abandonnés, brûlés même. Ces nomades se réfugient en d'autres retraites qu'ils abandonneront encore s'ils sont pressés de trop près, et sur ces terrains recouverts de cendres, les agents de l'autorité ne trouvent plus que des ruines. C'était à l'un de ces pales, le pal de Tandide, que Nana Sahib et les siens étaient venus demander refuge. Là, les avait tout d'abord conduits le fidèle Gund, dévoué à la personne du Nabab. Là, ils s'installèrent dans la journée du 12 mars. Le premier soin des deux frères, dès qu'ils eurent pris possession du pal de Tandide, fut d'en reconnaître soigneusement les abords. Ils observèrent dans quelle direction et à quelle portée le regard pouvait s'étendre. Ils se firent indiquer quelles étaient les habitations les plus rapprochées et s'enquirent de ceux qui les occupaient. La position de cette croupe isolée que couronnait le pal de Tandide au milieu d'un massif d'arbres, ils l'étudièrent et se rendirent finalement compte de l'impossibilité d'y avoir accès sans suivre le lit d'un torrent, le torrent de Nazur, qu'ils venaient de remonter eux-mêmes. Le pal de Tandide offrait donc toutes les conditions de sécurité, d'autant mieux qu'il s'élevait au-dessus d'un souterrain dont les secrètes issues s'ouvraient sur le flanc du contrefort et permettaient de s'enfuir le cas échéant. Nana Sahib et son frère n'auraient pu trouver un plus sûr asile. Mais il ne suffisait pas à Balaorao de savoir ce qu'était actuellement le pal de Tandide, il voulait apprendre ce qu'il avait été. Et pendant que le Nabab visitait l'intérieur du fortin, il continua d'interroger le Gund. « Quelques questions encore, lui dit-il. Depuis combien de temps ce pal est-il abandonné ?»« Depuis plus d'un an, répondit le Gund. Qui l'habitait ?»« Une famille de nomades, qui n'y est restée que quelques mois. Pourquoi l'ont-ils quitté ?»« Parce que le sol, destiné à les nourrir, ne pouvait plus leur assurer la nourriture. » »« Et depuis leur départ, personne n'a ta connaissance ni a cherché refuge ?»« Personne. » Jamais un soldat de l'armée royale, jamais un agent de la police n'a mis le pied dans l'enceinte de ce pal. Jamais. Aucun étranger ne l'a visité. Aucun, répondit le Gund, si ce n'est une femme. Une femme, répliqua vivement Balaorao. Oui, une femme qui, depuis 3 ans environ, erre dans la vallée de la Nerbuda. Quelle est cette femme? Ce qu'elle est, je l'ignore, répondit le Gund. D'où elle vient, je ne puis le dire. Et dans toute la vallée, personne n'en sait plus que moi sur son compte. Est-ce une étrangère? Est-ce une hindoue? On n'a jamais pu le savoir. Balaorao réfléchit un instant, puis, reprenant, « Que fait cette femme ? » demanda-t-il. « Elle va, elle vient, » répondit le Gund. « Elle vit uniquement d'aumône. On a pour elle, dans toute la vallée, une sorte de vénération superstitieuse. Plusieurs fois, je l'ai reçue dans mon propre pal. Elle ne parle jamais. On pourrait croire qu'elle est muette, et je ne serais pas étonné qu'elle le fût. La nuit, on la voit se promener, tenant à la main une branche résineuse allumée. Aussi ne la connaît-on que sous le nom de la flamme errante. Mais, dit Balaorao, si cette femme connaît le pal de Tandide, ne peut-elle y revenir pendant que nous l'occuperons, et n'avons-nous rien à craindre d'elle? Rien, répondit le Gund. Cette femme n'a pas sa raison. Sa tête ne lui appartient plus. Ses yeux ne regardent pas ce qu'ils voient. Ses oreilles n'écoutent pas ce qu'elles entendent. Sa langue ne sait plus prononcer une parole. Elle est ce que serait une aveugle, une sourde, une muette pour toutes les choses du dehors. C'est une folle, et une folle, c'est une morte qui continue à vivre. Le Gund, dans ce langage particulier aux hindous des montagnes, venait de tracer le portrait d'une étrange créature très connue dans la vallée, la flamme errante de la Nerbuda. C'était une femme, dont la figure pâle, belle encore, vieillie et non vieille, mais privée de toute expression, n'indiquait ni l'origine ni l'âge. On eût dit que ses yeux hagards venaient de se fermer à la vie intellectuelle sur quelque effroyable scène qu'il continuait à voir en dedans. À cette créature inoffensive et privée de sa raison, les montagnards avaient fait bon accueil. Les fous, pour ces Gundes, comme pour toutes les populations sauvages, sont des êtres sacrés que protège un superstitieux respect. Aussi recevait-on hospitalièrement la flamme errante partout où elle se présentait. Aucun pal ne lui fermait sa porte. On la nourrissait quand elle avait faim, on la couchait lorsqu'elle tombait de fatigue, sans attendre une parole de remerciement que sa bouche ne pouvait plus formuler. Depuis combien de temps durait cette existence? D'où venait cette femme? Vers quelle époque avait-elle apparu dans le Gondwana? Il eût été difficile de le préciser. Pourquoi se promenait-elle, une flamme à la main? Était-ce pour guider ses pas? Était-ce pour éloigner les fauves? On eût pu le dire. Il lui arrivait de disparaître pendant des mois entiers. Que devenait-elle alors? Quittait-elle les défilés des monceaux de pourrats pour les gorges des Vindhya? S'égarait-elle au-delà de la Nerbuda jusque dans le Malwa ou le Bundelkund? Nul ne le savait. Plus d'une fois, tant son absence se prolongea, on put croire que sa triste vie avait pris fin. Mais non, on la revoyait revenir toujours la même, sans que ni la fatigue, ni la maladie, ni le dénuement parussent avoir éprouvé sa nature, si frêle en apparence. Balaurao avait écouté l'hindou avec une extrême attention. Il se demandait toujours s'il n'y avait pas quelque danger dans cette circonstance que la flamme errante connaissait le pal de Tandit, qu'elle y avait déjà cherché refuge, que son instinct pouvait l'y ramener. Il revint donc sur ce point et demanda au goun si lui ou les siens savaient où se trouvait actuellement cette folle. « Je l'ignore, » répondit le goun. « Voilà plus de 6 mois que personne ne l'a revue dans la vallée. Il est donc possible qu'elle soit morte. Mais enfin, » reparut-elle et revint-elle au pal de Tandit, « il n'y aurait rien à redouter de sa présence. Ce n'est qu'une statue vivante. Elle ne vous verrait pas. Elle ne vous entendrait pas. Elle ne saurait pas qui vous êtes. Elle entrerait, elle s'assoirait à votre foyer pour 1 jour, pour 2 jours, puis elle rallumerait sa résine éteinte, vous quitterait, et recommencerait à errer de maison en maison. C'est là toute sa vie. D'ailleurs, son absence se prolonge tellement cette fois qu'il est probable qu'elle ne reviendra jamais. Celle qui était déjà morte d'esprit doit être maintenant morte de corps. » Balaurao ne crut pas devoir parler de cet incident à Nana Sahib, et lui-même n'y attacha bientôt plus aucune importance. 1 mois après leur arrivée au pal de Tandit, le retour de la flamme errante n'avait pas été signalé dans la vallée de la Nerbuda.